franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur la libération des otages du voilier français Le Ponant au large des côtes somaliennes au début du mois d'avril 2008. Talatine 30 en langage somali, tel était le nom de code de cette mission de sauvetage en pleine mer exécutée par une armada de l'armée française. Une opération menée dans le plus grand secret et sous la direction des plus hauts cabinets du pouvoir, l'Élysée en tête et dont le scénario a tout d'un scénario hollywoodien. Pourtant, rien n'est plus ancré dans le réel que cette opération militaire qui nous plonge dans l'ombre de la diplomatie secrète, de ses services de renseignement et de sa force de dissuasion, mais aussi et surtout dans l'univers non moins sombre de celui de la piraterie maritime sur la corne de l'Afrique qui a tant sévi au milieu des années 2000. Après le récit, nous recevrons l'amiral Laurent Merer, ancien commandant de la zone maritime de l'océan Indien, ancien préfet de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord. Il a mené les premières opérations contre les pirates le long des côtes de Somalie au début des années 2000 et organisé la lutte contre le terrorisme. Il est l'auteur d'un livre référence sur l'affaire intitulé « À l'assaut des pirates du Ponant » paru en 2012 aux éditions du Rocher. Il sera avec nous en duplex dans les studios de France Bleu Brésisel à Quimper. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara, avec le soutien des documentalistes de Radio France et de l'INA, attachée de production Léa Dupouy-Henquin, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, lecture Alain Legouguec et Simon Maisonob, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Raphaël Rousseau, Loïc Frapsos. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. Mercredi 16 avril 2008, Djibouti. Ce matin-là, sur la base aérienne 188 de l'armée de l'air, c'est l'effervescence. Quelques minutes plus tôt, un Airbus A320 aux couleurs de la République française, avec à son bord des hauts responsables de l'armée et du ministère de la Défense, a atterri accompagné d'une nuée de journalistes. Sur le tarmac de la base militaire, le personnel gère comme il peut cet afflux. Il faut dire qu'ici même, à Djibouti, tête de pont de la France au Moyen-Orient, à 5500 km de la métropole sur les bords de la mer Rouge, on est peu habitué à faire la une de l'actualité. La base demeure un endroit stratégique pour les opérations de reconnaissance aérienne et de ravitaillement dans toute la péninsule panarabique et sur toute la partie est du continent africain, toujours dans l'ombre, toujours dans le secret. Mais quelques jours auparavant, une formidable opération militaire conduite par la France a permis de mettre fin à la prise en otage des 30 membres de l'équipage du voilier Le Ponant dans le golfe d'Aden. Alors, parmi les représentants de l'État qui ont fait le déplacement depuis Paris, on retrouve le ministre de la Défense en personne, Hervé Morin, flanqué du contre-amiral Marin Gillier, patron des commandos de marine, ainsi que toute une série de hauts gradés ou de très étoilés proches des cabinets du pouvoir, bref, le gratin. Ce jour-là, l'ambiance est à la fête et tous se félicitent du succès de l'opération et du rapatriement des ex-otages à Paris. Pour le ministre de la Défense, empêtré dans un plan de réduction des moyens alloués à l'armée, c'est l'occasion de redorer un blason passablement terni et de vanter cette force d'intervention capable d'agir avec succès partout dans le monde. Un peu plus loin, sur le tarmac de l'aéroport militaire, des hélicoptères en patrouille rentrent d'exercice et se préparent à atterrir. Présent sur place, le journaliste spécialisé dans les questions de défense et de renseignement, Jean Guinel, racontera plus tard la scène étonnante à laquelle il a assisté. Pendant que le ministre était accaparé à poser devant les caméras des journalistes, on pouvait apercevoir à l'extérieur, à proximité de la piste, une poignée d'hommes qui s'apprêtaient à embarquer à bord d'un avion de transport militaire Transal. Nul doute qu'avec tout leur équipement, ils avaient plus le profil de commando marine que de simples réservistes. À deux pas de là, sur le tarmac, il y avait aussi deux avions de l'escadrille de la direction des opérations de la DGSE, nos services secrets, garés là incognito et dont on nous justifiait la présence sur site de conséquences dues au simple fait du hasard. Un peu plus loin encore, un hélicoptère Caracal des forces spéciales était démonté. Tout juste arrivé de France, on n'avait semble-t-il pas eu besoin d'avoir recours à ses services. Toujours est-il qu'un simple coup d'œil sur la base aérienne de Djibouti donnait une idée du déploiement de forces qu'avait opéré l'armée française pour récupérer sains et saufs les otages du Ponant. Le voilier Ponant, justement, se trouve à quai, non loin de là. Sur sa poupe flotte le drapeau tricolore. Autorisé par la suite à monter à bord en compagnie du ministre de la Défense, les journalistes constatent les différents stigmates de son dernier voyage en mer. Ici, des panneaux vitrés brisés, là, des impacts de balles dans la cabine. Oh, bien sûr, le ménage a été fait. Mais le Ponant semble avoir été le théâtre d'une opération qui dépasse de loin ses attributions, celle d'un voilier pour les croisières de luxe, où règne, comme le disent les dépliants touristiques, calme, détente et soleil. Un peu plus loin dans le port militaire, un bâtiment aux allures de navire hydrographique est discrètement placé au mouillage. Son nom, l'Alizé. Officiellement considéré comme un bâtiment de soutien de plongée de la marine, on explique aux journalistes qu'il croisait là, lui aussi, par le plus grand des hasards, sur l'océan Indien. Mais derrière ce discours de façade, on sait de sources sûres qu'il s'agit du navire appartenant au service Action de la DGSE, spécialisé dans l'interception des télécommunications et l'envoi de commandos de plongée pour les missions les plus sensibles. Alors, l'Alizé a-t-il participé d'une quelconque façon à l'opération de sauvetage des otages du Ponant ? Et qu'en est-il des moyens engagés par la France dans cette opération ? Et surtout, comment s'est-elle déroulée ? Revenons en mer, quelques jours plus tôt. Vendredi 4 avril, début de matinée au large du golfe d'Aden, à bord du Ponant, temps clair, mer calme. Voilà une semaine que celui qui n'est pas encore devenu un fameux trois-mâts, mais qui est un fleuron de la compagnie française CMA-CGM, trace sa route au large des côtes est de l'Afrique. Parti de l'archipel des Seychelles, il doit rejoindre la Méditerranée, plus précisément Alexandrie, en Égypte, où il est attendu pour embarquer de nouveaux passagers d'ici deux jours. À son bord, pour cette croisière dite de transit, il n'y a officiellement que 30 personnes, toutes membres d'équipage. Parmi elles, 22 sont de nationalité française. D'une longueur équivalente à celle d'un terrain de football, équipé d'une coque et de voiles blanches immaculées, le Ponant dénote des navires de commerce, chalutiers ou pétroliers qui croisent au large dans la région. En d'autres termes, il est un bijou éclatant de luxe, le tout sur 4 étages, forcément pas très discret. Ce matin-là, à bord, chacun des membres de l'équipage est occupé à effectuer ses tâches habituelles. L'ambiance est au travail, mais elle reste plus détendue en l'absence de passagers. En haut, sur le pont supérieur, on retrouve dans la cabine de pilotage le commandant Patrick Marchessault, ancien officier de la marine marchande, un marin expérimenté et reconnu pour qui la sécurité est toujours le premier des impératifs. Si l'objectif que lui a fixé la compagnie est d'arriver dans deux jours à Alexandrie, Patrick Marchessault est davantage préoccupé par le passage de la Corne de l'Afrique et du golfe d'Aden. Un endroit où l'on peut faire de mauvaises rencontres, surtout quand on se trouve à bord d'un voilier de luxe. Si le capitaine semble aussi inquiet, c'est que depuis quelques années, la région du Puntland, à l'extrême est de la Somalie, qu'on appelle communément la Corne de l'Afrique, passage obligé pour les navires s'ils veulent entrer dans le golfe d'Aden et donc rejoindre la Méditerranée et l'Europe, est devenu un repère de la piraterie maritime. En Somalie, pays livré à lui-même et en état perpétuel de guerre civile depuis plusieurs décennies, les seigneurs de la guerre qui contrôlent certaines régions du pays ont vu dans le détournement de navires une activité très lucrative. D'ailleurs, les chiffres parlent. 11 attaques en 2006, puis 31 en 2007. Le début de l'année 2008 n'échappe pas à la règle, avec plusieurs cas recensés. Face à cette menace, on a fini par déployer sur zone une force de coalition internationale des navires militaires américains, canadiens, français ou britanniques en cadre des convois de navires marchands ou patrouillent dans les endroits dits à risque. Seulement, dans un espace à couvrir grand comme deux fois la France, il est impossible d'être partout et à la moindre faille. Les pirates n'hésitent pas à s'engouffrer dans la brèche, à l'image de cette scène filmée en direct par des journalistes de France 3 quelques mois plus tôt à bord de la frégate française le Nivose, alors en intervention dans le golfe d'Aden. Poste aviation. 335-4901. Vous la donnez au CO, c'est déjà donné. Bâtiment de la coalition, ici le Biscaglia. Notre position 1535 nord et 049-01 est. On est attaqué par des pirates. Ici le bâtiment de guerre Nivose. Mon hélicoptère est prêt à décoller pour se rendre sur la position du Biscaglia. Oui, affirmatif, il y a un bâtiment qui s'est fait attaquer sur notre arrière tribord à 30 nautiques. L'hélicoptère venait de se poser, on a fait les pleins et on redécolle. Alors que l'hélicoptère Panther de la Marine nationale décolle du pont arrière de la frégate Nivose, la tension dans la zone reste palpable. Bien plus tard, et loin de cette agitation, le commandant Marchesso n'en reste pas moins soucieux. Car ce qui s'est passé pour le Biscaglia pourrait très bien arriver au Ponant. Ce bateau pourrait être un morceau de choix pour les pirates. D'abord, il ne navigue pas très vite, et puis sa ligne de flottaison est basse, ce qui rend un abordage plus facile que celui d'un pétrolier ou d'un porte-conteneur. Enfin, un navire de croisière comme le Ponant est toujours une aubaine pour les pirates qui pensent y trouver des touristes dont la valeur d'échange est bien supérieure à celle de marins. C'est la raison pour laquelle, depuis plusieurs nuits, le Ponant navigue tout feu éteint. L'AIS, le système d'identification du navire, a même été coupé pour compliquer la tâche des éventuels pirates. Il est 13h, c'est vendredi 4 avril, lorsque le commandant Marchesso détecte un écho sur le radar, à environ 8 nautiques sur l'avant. À l'aide de ses jumelles, il identifie le bâtiment, un bateau de pêche de type asiatique, comme on en rencontre beaucoup dans ces eaux riches en poissons. Il est à l'arrêt et se laisse facilement dépasser. Fausse alerte, pense-t-on. Le commandant demande tout de même à l'un des officiers de continuer à le surveiller. Puis, il descend rejoindre l'équipage sur le pont pour le déjeuner. Un quart d'heure plus tard, alors que le repas touche à sa fin, on hurle « Commandant des bateaux !» Marchesso se lève et aperçoit effectivement deux points blancs sur l'eau, dans une gerbe d'écume. Aucun doute possible, deux embarcations rapides sont lancées à la poursuite du Ponant. Le commandant fonce à la cabine de pilotage sur le pont supérieur, ordonne de pousser la barre à fond pour tenter de semer les assaillants, puis il lance un appel à l'équipage pour lui donner les consignes en cas d'abordage. Présent à bord, l'un d'eux raconte la scène. Alors que le commandant parlait à l'équipage via les interphones, sortis de nulle part, deux petites embarcations rapides arrivèrent sur nous. Debout sur leur bateau, les pirates tiraient en l'air avec des kalachnikovs. Le commandant Marchesso nous a alors ordonné d'activer les canons à eau pour tenter de les repousser et d'empêcher tout abordage du navire. Seulement, face à des hommes déterminés, drogués et armés de mitraillettes, et pour certains de lance-roquettes, tout cela semblait un peu illusoire. Et il fut difficile de résister bien longtemps. Au bout de quelques minutes, les pirates réussirent à déployer des échelles et finirent par nous aborder sur bâbord, puis sur tribord. De nouveaux coups de feu éclatèrent sur le bateau. À ce moment, le commandant nous ordonna de nous replier. « Pas question de jouer à la guerre », nous dit-il. Le commandant Marchesso se précipite sur le bouton du système d'alerte contre la piraterie qu'il actionne pendant 30 secondes pour envoyer le signal de détresse. Puis il fonce dans le local radio pour envoyer un dernier message au commandant des forces navales de l'océan Indien afin de transmettre la position exacte du navire. Lorsqu'il ressort, les pirates sont sur le pont, armes à la main. Il est 13h15 dans le golfe d'Aden, 11h15 à Paris. Le Ponant est victime d'une attaque de pirates. I spit it for my block, it's an ode. I admit it here, the city code is lock and load. Any minute it's rock and roll, and you rock and roll. And feel your soul leaving, it's just the wrong glance that'll leave you not breathing. I'm not particularly proud of this predicament, but I'm born and bred in this tenement. I'm sentimental, what? Plus it's only right to represent my hood and whatnot. So I'm about to do it in the music, in the movies. Cut to the chase, pan across to the face, I'm right there, freeze frame on the street name. Oops, wait a minute, this is where the streets have no name. And the drain of sewage, you can see it in this boy, how the hate is brewing. Cause when his tummy tucks in, fuck the pain is fluid. So what difference does it make, entertaining through it? Some get high, mixing coke and gunpowder, sniffing. She got a gun, but could have been a model or a physician. So what you know about the pirates terrorize the ocean? To never know a simple day. It can't be healthy just to live with such a steep emotion. And when I try and sleep, I see coffins closing. So what you know about the pirates? terrorize the ocean. To never know a simple day without a big commotion. It can't be healthy just to live with such a steep emotion. And when I try and sleep, I see coffins closing. Yeah. So what you know about the pirates terrorize the ocean? To never know a simple day without a big commotion. It can't be healthy just to live with such a steep emotion. And when I try and sleep, I see coffins closing. So what you know about the pirates terrorize the ocean? To never know a simple day without a big commotion. It can't be healthy just to live with such a steep emotion. And when I try and sleep, I see coffins closing. Paris, boulevard Saint-Germain, une demi-heure plus tard. Lumière artificielle tamisée, ventilation forcée. À plusieurs mètres sous terre, nous sommes désormais bien loin de l'océan Indien. Mais c'est là qu'est installé le centre de planification et de conduite des opérations, le CPCO, centre de commandement clé de la défense française. C'est ici que, dans le plus grand secret, sont mises en place les directives lors d'opérations militaires ou de coordination des opérations spéciales. Et c'est là qu'arrive l'information en provenance du Cross-Corsen, information selon laquelle le Ponant a été détourné un peu plus tôt par des pirates. Alors aussitôt, on décrypte et on analyse, puis on transmet au bureau compétent et surtout à Matignon. Dans l'heure qui suit, décision est prise de réquisitionner tous les navires de la marine nationale situés plus ou moins loin du golfe d'Aden. Sont ainsi déroutés pour se rendre sur zone le navire Aviso, le bâtiment de commandement et de ravitaillement, Var, la frégate Jean Barthe, puis plus tard le porte-hélicoptère Jeanne d'Arc. C'est une armada qu'on envoie sur la piste du Ponant. Sur place dans le golfe d'Aden, une bonne nouvelle arrive en provenance de la Task Force 150, la mission de lutte contre le terrorisme et trafics illicites dans l'océan Indien. En effet, un hélicoptère canadien a fini par repérer le Ponant. Il le suit désormais à bonne distance et observe le bateau qui semble suivre des routes erratiques de hors-bord amarré à l'arrière. Pendant ce temps, à Paris, les heures passent et en milieu d'après-midi, l'information sur la prise d'otage, pourtant confidentielle, se répand comme une traînée de poudre dans les sphères militaires et gouvernementales. Et bientôt, ce sont tous les Français qui vont découvrir que 20 marins sont pris en otage. Stéphane Faure, grand reporter à France Inter, détient de sources sûres une information selon laquelle un navire français et son équipage sont aux mains des pirates au large de la Somalie. Ici, dans la Maison Ronde, on ne cultive pas la politique du scoop à tout prix, mais plutôt de l'information vérifiée. C'est donc après avoir recoupé tous les éléments et s'être assuré que les familles des marins ont déjà été prévenues par le ministère de la Défense que France Inter annonce la nouvelle dans son journal de 17h. France Inter. C'est une histoire qu'aurait pu raconter Henri de Monfred. Ça se passe en mer Rouge, le long de la côte des Somalies. Un voilier de croisière français, le Ponant, a été abordé par des pirates. Et d'après ce que l'on sait, Emmanuel Leclerc, une trentaine de membres d'équipage sont leurs prisonniers. Oui, l'abordage a eu lieu à la mi-journée dans la zone internationale au large de la Somalie. Deux vedettes de pirates, des hommes armés qui montent à bord. Et depuis, aucune nouvelle de l'équipage. 34 personnes, dont une partie de nationalité française. Le yacht de luxe marseillais, qui n'avait pas de passagers, revenait des Seychelles. Il aurait donc lancé un SOS en voyant approcher les vedettes. La marine française qui croise dans la région a aussitôt envoyé des avions de reconnaissance. Des navires de la Task Force 150 de l'opération Enduring Freedom se dirigent également sur ce qui est l'une des régions les plus dangereuses au monde en matière de piraterie. Pour l'instant donc, il n'y aurait pas de revendication particulière de ce que l'on peut considérer comme une prise d'otage. Selon nos dernières informations, le voilier de luxe n'aurait pas été redirigé vers les eaux somaliennes, ce qui rendrait une éventuelle opération commando encore plus délicate. Au même moment, à l'hôtel de la Marine, place de la Concorde, le vice-amiral Valin coordonne les opérations. Il s'assure d'abord du soutien des Américains présents sur zone, mais tout en leur précisant que seule la marine française pourra s'approcher du bateau et intervenir. Et puis, dans ce genre de situation, la présidence de la République doit être informée au plus vite. L'état-major du président se réunit donc en cellule de crise pour étudier toutes les options, la décision revenant en dernier lieu au président Nicolas Sarkozy, chef des armées. Jusqu'à maintenant, c'est la prudence qui l'a emporté. La seule consigne est d'empêcher le bateau de se rapprocher davantage des côtes somaliennes. En début de soirée, le Premier ministre François Fillon, rentré précipitamment de Bruxelles, annonce à la presse la mise en place du plan Pirate-Mer. J'ai donné l'ordre au début de l'après-midi de déclencher le plan Pirate-Mer, qui consiste à mobiliser tous les moyens disponibles sur la zone apte à intervenir, et nous avons dans cette zone des moyens militaires relativement importants. C'est un acte de piraterie caractérisé, et le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères sont mobilisés pour agir le plus rapidement possible, je l'espère dans les minutes ou dans les heures qui viennent, pour tenter d'obtenir la libération de ces otages. Depuis l'affaire de la prise d'otage sur le paquebot Achille Lauro en 1985 et les attentats du 11 septembre, bien sûr, la menace des détournements de navires est prise très au sérieux par les gouvernements. C'est pour cette raison qu'on a créé le plan Pirate-Mer, ou comment réagir au plus juste en cas de piraterie. Le lendemain matin, samedi 5 avril, à bord du Ponant, l'épreuve est rude pour les membres de l'équipage retenus en otage. Même s'il n'y a eu aucune maltraitance physique, les pirates se montrent toujours menaçants et agressifs, sans doute excités par la drogue, le cat qu'ils consomment sans modération. L'équipage a dormi sur les canapés ou le sol du bar, il est désormais regroupé dans le restaurant du navire. Certains ont craqué, certains ont pleuré durant la nuit. Alors l'attente commence, dans le silence, entre deux parties de cartes, seule distraction possible. Les pirates, eux, sont dans le cockpit et sur le pont du bateau. Trois d'entre eux sont assis à l'arrière, sur des chaises, et surveillent les 23 membres d'équipage. Oui, 23 au lieu de 30. Car juste avant l'abordage, le commandant Marchesso avait ordonné au personnel féminin d'aller se cacher à fond de cale. Mais dans le réduit où les femmes ont trouvé refuge, il n'y a pas de nourriture, pas de sanitaire et que des boissons alcoolisées. Alors l'une d'elles, Emmanuelle Chabert, raconte. J'ai très peur. Qu'est-ce qui se passe au-dessus? Est-ce que mes collègues sont en vie? Est-ce qu'ils sont morts? Est-ce qu'on va se faire violer? Est-ce qu'on va se faire tuer? Est-ce que je vais revoir ma famille? Voilà, c'était ce genre de questions que je me posais. Je ne peux pas vous décrire ce que j'ai ressenti. J'ai pleuré, j'avais peur qu'ils me fassent du mal. Peur qu'on leur fasse du mal. C'était effectivement la crainte du commandant Marchesso qui les a cachés. Au bout de 24 heures, les femmes quittent par nécessité leur abri de fortune, à la surprise des pirates qui les emmènent rejoindre les autres otages. Au même moment, à Nairobi, au Kenya, l'ambassadrice de France, Elisabeth Barbier, est en pleine négociation avec les autorités somaliennes pour obtenir l'autorisation que les militaires français pénètrent dans leur espace aérien et maritime, voire terrestre, si la situation l'exige. Dans la soirée, le chef des services secrets somaliens leur répond « Vous pouvez les écraser, ce sont des bandits, faites ce que vous voulez, rentrez s'il le faut dans nos eaux territoriales pour les combattre. » Voilà, comme ça c'est clair. Puis une note écrite signée de la main du président somalien confirme, comme un feu vert donné aux autorités françaises pour intervenir. Dimanche 6 avril, au large des côtes somaliennes, le soleil se lève à peine, il est un peu plus de 5 heures du matin. À bord de l'Atlantique 2 Ulysse Charlie, avion de surveillance et de reconnaissance de l'armée de l'air, les opérateurs scrutent d'un œil attentif le signal lumineux vert au centre de leur écran radar. La mission de l'avion, c'est de pister le Ponant à distance et d'alerter l'état-major à la moindre évolution de la situation. Pas question ici de démonstration de force. Le braguet atlantique reste à bonne distance du navire. L'appareil, muni d'une série de capteurs, est capable de détecter la présence de bâtiments ou d'objets flottants à plusieurs dizaines de kilomètres aux alentours. Un peu plus loin, dans l'étroite carlingue encombrée d'armoires électroniques, d'autres officiers scrutent à la caméra infrarouge le pont du navire. Et ils le voient, les pirates sont toujours là, armes à la main, un lance-roquette posé à leurs pieds. 48 heures après le début de la prise d'otage, alors que le voilier de luxe a jeté l'ancre au large des côtes du Puntland, à l'est de la Somalie, le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, confirme sur France Inter que les autorités françaises sont désormais entrées en contact avec les pirates. Je ne vous donnerai pas de détails, vous comprenez pourquoi, mais nous avons établi le contact. Depuis quand ? Nous avons établi le contact. Et l'affaire risque d'être longue. Et si les pirates réclament une rançon pour libérer nos 30 compatriotes, qu'est-ce qu'on fait ? On paiera ou pas ? Nous verrons bien, monsieur. D'abord, il faut que le contact soit fructueux et il faut faire tout pour qu'il n'y ait pas d'effusion de sang. De leur côté, les familles des marins français retenus en otage reçoivent des nouvelles de la part de l'armateur à Marseille. Ils vont bien. Ils ont pu manger et prendre une douche. Des nouvelles rassurantes, mais toujours difficiles à entendre, bien sûr, pour les proches impuissants, comme pour Marie-Madeleine Dortu, mère de l'un des otages. Il n'y a rien à faire, qu'est-ce que vous voulez? Je ne suis pas une personne qui s'affole, enfin, physiquement. Je dis, bon, attendons, ça va suivre son cours. Que voulez-vous que nous, les pauvres parents, fassions quelque chose? C'est impossible. Moi, mon impression, c'est que les pirates ont peut-être pensé trouver une fortune à bord. Bon, parce que normalement, quand il y a des passagers, c'est ce qui se passe. Mais là, ils se sont trouvés nez à nez avec rien que l'équipage, quoi. Et bon, ce qu'ils vont faire comme toutes les autres fois, c'est demander une rançon, ça c'est sûr. Une rançon. C'est justement pour tenter d'aboutir dans les négociations entre les pirates et l'armateur que des négociateurs du GIGN sont arrivés à Marseille pour conseiller le patron de la CMA, CGM Jacques Saadé. Pour l'Élysée, la voie de la négociation doit être menée jusqu'à son terme, mais il faut coûte que coûte éviter d'avoir recours à la voie des armes qui pourrait se révéler dramatique. Puis dans la soirée du dimanche 6 avril, décolle de Satory un avion dans lequel ont pris place 10 autres gendarmes du GIGN, dont leur chef, le colonel Denis Favier. Ils s'envolent pour Djibouti, où les attendent des commandos de marine. Parachutés en haute mer, ou plutôt tarponnés, comme on dit dans le langage militaire, ils seront récupérés par les bâtiments de la Marine nationale. Et on va le voir, leur rôle sera décisif dans la suite des opérations. Lundi 7 avril, Nicolas Sarkozy reçoit les familles des otages à l'Élysée. À cette occasion, certains rapportent que le président leur aurait déclaré « On a affaire à des malfrats. Ils veulent du fric, on va leur donner après. Ça, c'est mon affaire. » À Marseille, les négociations avancent péniblement. La rançon constitue le point central et crispe les échanges entre les deux parties. Alors, les jours passent avant qu'un accord de compromis ne soit enfin trouvé. La dernière scène va se jouer hollywoodienne. Vendredi 11 avril, l'échange a lieu en mer sur deux petites embarcations. Trois pirates d'un côté, trois militaires français de l'autre. La rançon est contenue dans trois sacs qui sont lancés tour à tour, d'un bateau à l'autre. Son montant, un peu plus de 2 millions de dollars, payés par l'assureur de la compagnie. Très rapidement, les otages restés à bord avec les autres ravisseurs sont libérés. Les derniers pirates prennent la fuite à bord de leurs petites embarcations. Le dernier à enjamber le bastingage, comme le veulent la tradition et l'honneur, c'est le capitaine Patrick Marchessault. Ils sont à la mer avant d'être récupérés par un Zodiac des commandos de marine. Du côté des militaires, on ne veut prendre aucun risque. Et le navire, évacué, sera fouillé au cas où il aurait été piégé à l'explosif. De leur côté, tous les ex-otages sont sains et saufs. Ils rallient par embarcation la frégate Jean-Bart, où ils sont mis en sécurité et examinés par les médecins. Mais pour l'état-major français, la mission n'est pas terminée. Loin de là. Dans les airs, le Breguet Atlantique qui survole la zone à très haute altitude n'a pas lâché les pirates d'une semelle depuis leur fuite du Ponant. Et ils continuent de les traquer au sol, en pistant leur 4x4. 30 minutes plus tard, lorsque les malfaiteurs quittent le village dans lequel ils se sont arrêtés, l'état-major donne l'ordre aux hélicoptères de décoller et de les arrêter. Quant aux sécabords, ont pris place des commandos de marine et des spécialistes du GIGN surentraînés, surarmés, on comprend que les pirates vont passer un très mauvais quart d'heure. La suite, c'est le vice-amiral Georges Valin qui la raconte. C'était un 4x4, donc qui a immédiatement été neutralisé. C'est très simple, on lui tire dessus et on tire sur la partie moteur afin d'éviter de tuer les occupants, car bien évidemment le but était d'avoir les pirates vivants. Donc on neutralise le moteur, donc le 4x4 s'arrête et ensuite, eh bien, immédiatement, on pose les hélicoptères et on intervient pour conduire l'arrestation. Comme ils détenaient une partie de la rançon dans le véhicule et qu'ils sont sortis les mains en l'air, eh bien on a pu récupérer une partie de la rançon. Seulement deux coups de feu auront été nécessaires pour maîtriser les pirates. La dissuasion et la rapidité d'intervention auront fait le reste. Six pirates sont faits prisonniers, embarqués sur les navires de la Marine nationale, rapatriés manu militari à Paris dans les jours qui suivent, pour être placés en détention provisoire et présentés bien sûr à un juge. L'affaire s'achèvera vraiment deux jours plus tard, le lundi 14 avril, lorsqu'à l'heure du journal de 20h, l'Airbus aux couleurs de la République française atterrira à Orly, avec à son bord les 22 membres français de l'équipage du voilier, sains et saufs. Apparemment, c'est une victoire pour la France face au fléau de la piraterie. Pourtant, cette opération suscite la polémique, d'abord entretenue par les militaires français qui se sont plaints de nombreux problèmes de fiabilité de leur matériel, oui, des problèmes qui auraient pu se révéler dramatiques au cours de l'opération. Polémique ensuite sur le trajet des navires français dans la zone et sur la position exacte du Ponant au moment de son attaque par les pirates. Débat enfin, bien des années plus tard, sur les décisions de la justice. Deux des accusés sont acquittés. Le chauffeur du véhicule est condamné à 4 ans de prison, déjà couvert par la détention provisoire et donc libéré. Deux autres hommes, reconnaissant avoir ravitaillé les pirates, sont condamnés à 7 années d'emprisonnement. Et le dernier, qui indique avoir participé à l'opération de bout en bout, est condamné à 10 ans de prison. Enfin, en décembre 2014, la France est condamnée à verser des dédommagements aux pirates impliqués dans l'attaque du Ponant. Mais oui, pour les avoir placés en garde à vue, 48 heures de plus. Quant au voilier Ponant, il continue de tracer sa route sur les mers du globe, même si désormais, vous avez plus de chances de le croiser en Méditerranée ou en mer des Caraïbes qu'ailleurs. Question de sûreté, sûrement. Cette opération, je voulais dire, afin qu'on entende bien le message de la France, est un avertissement pour tous ceux qui se livrent à cette activité criminelle. La France n'acceptera pas que le crime paye. Dredging up great white sharks, swimming in the bay. And here comes a killer whale, sing me to sleep. Thrashing the covers off, has me by its teeth. And all my love and my need, what was it that I said? I can't. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Pour revenir avec nous sur cette intrigue du Ponant et l'éclairer un peu plus encore, nous recevons l'amiral Laurent Mérère, ancien commandant de la zone maritime de l'océan Indien, ancien préfet de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez mené en océan Indien les premières opérations contre les pirates le long des côtes de Somalie au début des années 2000. Vous avez participé à l'organisation de la lutte contre le terrorisme, ce terrorisme-là. Vous êtes aujourd'hui écrivain et conférencier, expert des questions maritimes et de piraterie. Et vous êtes l'auteur d'un livre référence sur cette affaire, intitulé tout simplement « À l'assaut des pirates du Ponant ». Il est paru en 2012 aux éditions du Rocher. Vous êtes en duplex dans les studios de France Bleu Brésil à Quimper, que nous remercions au passage pour sa capacité d'accueil, on va dire ça comme ça. Alors, vous avez été confronté à ce genre de situation, je crois, dès 2002 dans le golfe d'Aden. Alors, comment on négocie, comment on s'y prend avec des gens, les pirates qui ne sont pas portés par des idéologies politiques, hein, sont des criminels de droit commun, c'est la tradition des bandits. On dit le grand chemin qui se perpétue ainsi. Comment on agit avec eux? C'est quoi le mode d'emploi? Si tant est qu'il y en ait un d'ailleurs. Alors oui, comme vous dites, le mode d'emploi, on apprécie la situation. Et dans l'affaire que j'ai menée au printemps 2002, en fait, il y avait urgence. On ne parlait pas beaucoup de la piraterie à l'époque. Alors c'était quoi justement? Elle a commencé à renaître au début des années 90, mais oui. En 2000, aucun bateau français n'avait été encore attaqué, donc on était confronté à un problème nouveau. Et il s'agissait d'un petit bateau syrien qui avait été pris en otage par des, par des pirates le long des côtes de Somalie, et on a intercepté un appel au secours. J'ai réussi à faire venir un bateau de la Réunion, il a fallu quelques jours, mais quand le bateau est arrivé, on s'est aperçu qu'il y avait urgence. Alors là, on n'a pas le temps de négocier, c'est un peu comme dans le Thalys avant-hier, il y a des hommes en difficulté, on réagit presque d'instinct, comme de marins qui voient des marins en difficulté à côté. C'est ce qui a été fait dans ce cas-là. Et pourquoi cette région est-elle aussi infestée, je crois que le mot est propre, hein, pour le coup, infestée de pirates? Pourquoi cette région-là? Cette région-là, il y a beaucoup de raisons. Il y a des raisons historiques, il y a des raisons géographiques, il y a des raisons juridiques, mais il y a surtout des raisons économiques. Vous avez le long des côtes des populations pauvres, disons-le, qui voient passer la richesse devant chez elles, et vous n'avez pas d'État pour assurer la police, pour assurer la justice. Donc la conjonction de ces phénomènes fait que, là, comme dans d'autres régions, la piraterie a toutes les chances de se développer. Alors, donc je reviens au mode opératoire, hein, comment réagir face à ces gens-là. Est-ce que, de votre point de vue, la façon dont l'affaire du Ponant a été menée est exemplaire? Oui, je trouve qu'elle a été exemplaire. C'est pour ça que je m'en suis saisi pour la raconter, pour expliquer à nos concitoyens comment les choses se passaient. Je crois que chacun a été dans son rôle. L'armateur, lui, de son côté, mène une négociation avec les pirates. C'est une affaire privée. Et puis, de son côté, l'État assume ses responsabilités, c'est-à-dire organise la récupération des otages et monte à la fois une opération militaire, mais aussi une négociation, non pas commerciale, mais une négociation avec les pirates pour le mode d'action qui va permettre de récupérer les otages en toute sécurité. Et nous avons à la fois les forces militaires présentes dans la région en permanence pour être là, et puis en même temps des spécialistes que sont les gendarmes du GIGN, vous les avez cités tout à l'heure, qui sont les spécialistes de la négociation, de l'échange, puisque c'est une affaire extrêmement complexe dans laquelle il faut avancer pas à pas. Nous avons l'ensemble des moyens, et dans cette opération, l'ensemble du système a bien fonctionné, puisque il n'y a eu aucune victime et que les otages ont été récupérés sains et saufs. Alors, on l'a vu dans le récit, il y a une première intervention en mer, mais le dénouement, hein, on leur met la main dessus, sur terre. Ça, c'était prévu par les militaires, c'était vraiment un plan, ou ça a été impliqué parce que la situation, quelquefois, j'imagine qu'on doit un peu improviser, ou c'était vraiment un plan, ça? On leur met la main dessus sur terre. C'est une bonne question. Le rôle de ceux qui ont en charge la lutte contre la piraterie, le rôle des forces militaires, c'est de prévoir tous les cas de figure. De se préparer à pouvoir agir dans les meilleures conditions si les circonstances se présentent, à condition d'avoir tout préparé. Donc les patrons de l'opération avaient préparé plusieurs scénarios, et puis le patron, en l'occurrence, sur place, et puis quand il a vu que l'un était jouable pour arrêter les pirates, eh bien, il a enclenché la bonne pédale, tout était préparé à l'avance, et on a déroulé un scénario qui avait été préparé parmi de nombreux autres. C'est encore une fois le rôle des forces militaires, c'est le rôle de la planification, de prévoir plusieurs séquences et puis de dérouler celle qui paraît le plus opportune au moment donné avec le feu vert politique. Je retiens une phrase que vous avez prononcée tout à l'heure qui me semblait si juste que je la mets en exergue. Vous dites, voilà, ce sont des gens pauvres qui voient la richesse passer à côté d'eux. Bien, enfin, faut bien naviguer aussi. Le Ponant était un bateau très luxueux, justement, hein, qui véhiculait au propre comme figuré la richesse du monde occidental. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, vu la situation, l'escorter? C'est vu des pirates, le Ponant ou un autre, les pirates, ils agissent de circonstances, ils voient passer un bateau, ils se posent pas trop de questions, hein. Le Ponant était là, il a pas eu de chance, alors les escorter, direct. Plus tard, les choses se sont mises en place, à la fois des opérations militaires, à l'initiative de la France d'ailleurs, et qui durent toujours, qui sont en place en océan Indien. Et puis, alors ces opérations ont donné lieu soit à des convois, soit à des routes protégées, des choses comme ça. Et puis, la mise en place de gardes armées sur un certain nombre de navires. S'est-il pas trop approché tout de même des côtes pour gagner du temps et de l'argent? Parce que c'est une entreprise commerciale, hein, le Ponant. Ouais, non, il ne s'est pas rapproché des côtes. Quand on connaît un peu la géographie de la région, au contraire, il s'est préparé à... Il avait contourné l'île de Sokoa, qui fait la corne de l'Afrique, et puis il était dans le golfe d'Aden, à peu près au milieu. Il faut bien, quand vous avez un détroit comme ça, passer quelque part. Hein. Non, le commandant Marchesso a été... complètement exemplaire dans cette affaire-là, à la fois dans la préparation maritime de sa traversée, qui était effectivement risquée, mais il avait pris toutes les précautions, et après, dans la conduite de son équipage et de tout ce qui s'est passé avec les pirates, je crois que pouvoir dire qu'on a eu affaire, on a affaire à un grand marin. Alors, en tout cas, Hervé Morin, le ministre de la Défense de l'époque, avait quand même utilisé cette affaire pour justifier qu'il ne fallait pas baisser le budget de l'armée. C'est un opportunisme de bon aloi, hein, quand on est ministre de la Défense. Nicolas Sarkozy, lui, a utilisé cela comme fierté nationale de la France contre le terrorisme et le piratage. On va écouter, si vous voulez bien, ensemble, une autre archive en visite officielle au Japon. François Fillon s'est exprimé sur le sujet. Faut-il rappeler qu'il était à l'époque Premier ministre. La Marine nationale et les membres des forces armées qui l'accompagnaient ont œuvré pour la sécurité de nos compatriotes. Je crois que c'est une des toutes premières fois qu'une opération militaire est engagée dans cette région contre des actes de piraterie. C'est la détermination du président de la République qui l'a permis. C'est la capacité de nos forces armées qui l'a rendu possible. Et nous allons prolonger cette opération par une initiative internationale, et nous allons demander que, sous mandat de l'ONU, une force internationale à laquelle naturellement la France est prête à participer puisse œuvrer à la sécurité du transit maritime dans cette région du monde comme dans le détroit de Malacca. Nous ne pouvons pas nous résoudre à revenir à des temps anciens où le droit international ne s'appliquait pas sur une partie des océans. Alors, 7 ans plus tard, est-ce qu'on peut dire que la France a tenu ses promesses dans la lutte contre ce qu'on peut appeler le terrorisme maritime ? Je crois que la France n'a pas à rougir, bien au contraire, de ce qui a été fait par elle ou à son initiative en matière de lutte contre la piraterie. L'opération internationale dont parle le Premier ministre a effectivement été déclenchée à l'initiative de la France et elle est toujours en place dans l'océan Indien. Sur ce modèle, d'autres opérations internationales, que ce soit de l'OTAN ou des États-Unis, ont été montées. De même, la France a agi auprès de l'ONU pour donner des fondements juridiques à ces interventions en proposant des résolutions qui ont été adoptées et qui ont été redoublées depuis. Je crois qu'en matière d'initiative pour la lutte contre la piraterie, la France n'a pas du tout à rougir de ce qu'elle a fait. Alors maintenant, et vous l'avez souligné tout à l'heure, question des moyens, le ministre Morin en parlait, en profitait, etc. Bon, c'est vrai que une opération comme celle de 2008, elle a été menée avec des moyens qui ont été payé 10 ans, 15 ans, 20 ans avant, et maintenant notre responsabilité, la responsabilité du monde politique, la responsabilité du monde militaire, c'est de prévoir les moyens en nombre suffisant pour qu'on soit encore capable d'agir en 2025, en 2030 ou en 2045, parce que c'est maintenant qu'on met en place les budgets pour les forces qu'on utilisera à des dates aussi lointaines que celles-là. Très bien, on va se retrouver dans 3 minutes, amiral Laurent Mérère. Comment s'adresse-t-on à un amiral d'ailleurs ? C'est toujours compliqué, c'est pas toujours exactement... Oh, non, c'est très simple, vous l'avez bien dit, c'est très bien. On dit mon amiral ? Est-ce qu'on dit mon amiral ? Ah non, pas bon, on dit amiral tout court. On dit amiral tout court. Eh bien, amiral tout court, Laurent Mérère, on va se retrouver dans 3 minutes après une pause musicale. Rita Mitsouko, l'ami ennemi, c'était évidemment en 2008. ses quelques paroles et son regard direct une impression bizarre. Le temps s'enfuit, les faux amis aussi, et cet écor plongé et fondu, passé Amiral Lemmerer, toujours en direct de Quimper, dans les studios de France Bleu, Brésil. On a parlé tout à l'heure des efforts de la France pendant cette affaire du Ponant, effort couronné de succès. On a parlé de l'engagement de la France pour lutter contre le terrorisme maritime. Quelle est la situation aujourd'hui au large de la Somalie, dans le golfe d'Aden, dans cet endroit si spécifique des mers du globe où la piraterie a sévi? Ça va réellement mieux? Il y a réellement eu des progrès? Alors ça va réellement mieux. Il y a moins d'attaques et moins d'attaques couronnées de succès, mais il y a trois opérations internationales maritimes depuis les années 2008-2009. Et si la pression maritime et militaire se relâche, certainement, comme toutes les conditions de développement de la piraterie sont toujours réunies, elle risque de reprendre. Mais pour l'instant, disons que dans cette zone du monde, les choses vont mieux. Est-ce que toutes les mers ne sont pas infestées de pirates? Et évidemment, il y a d'autres eaux du globe qui sont dangereuses, outre cette zone-là. Oui, le détroit de Malacca, donc entre l'océan Indien et la mer de Chine, un passage resserré avec beaucoup de trafic maritime qui a été le premier, qui a vu la renaissance de la piraterie maritime dans les années 90. Les choses se sont améliorées et il semble que depuis quelques mois, elles recommencent à mal tourner. Donc il y a cet endroit du monde où il faut être très attentif. Et puis, il y en a un autre dont on parle peu pour beaucoup de raisons, où la piraterie est probablement la plus sournoise et la plus violente en ce moment. C'est le golfe de Guinée. C'est un phénomène complexe, avec des conditions de lutte qui sont peut-être plus difficiles que le long des côtes de Somalie. En tout cas, c'est là qu'aujourd'hui les actions sont les plus nombreuses et les plus violentes. Et pourquoi les conditions de lutte contre ce fléau sont-elles plus difficiles à cet endroit ? C'est plus difficile parce que les pays qui entourent le golfe de Guinée ne sont pas des pays en déshérence. Ce sont des pays qui sont organisés et qui ne veulent pas trop voir des opérations internationales se dérouler dans leurs eaux ou à côté de leurs eaux. En plus, cette piraterie, elle est plus proche des côtes, donc elle est dans le ressort de ces États. Par conséquent, pour les nations étrangères qui ont des navires de commerce dans ces régions-là, ou des navires pétroliers, ou des navires de soutien au trafic pétrolier, ou à l'exploitation pétrolière, c'est beaucoup plus difficile de lutter. Et puis il y a aussi, disons, une certaine porosité, pour parler simplement, parfois, entre les pirates et certains responsables de ces pays. Alors où en est la Somalie, pour le coup? Parce que je crois que vous connaissez bien ce pays aujourd'hui. Quelle est sa situation? On sait que la Corne de l'Afrique constitue un élément de ce qu'on va dire les damnés de la Terre. Hein. C'est-à-dire qu'ils accumulent tous les inconvénients, la pauvreté, le déséquilibre politique, la violence. Où en est la Somalie? Vous voyez, les choses vont mieux, les choses s'améliorent doucement, mais ce pays est toujours soumis à la pression des islamistes dans le sud, les Chebabs. Par conséquent, la possibilité pour ce pays de retrouver sa place dans la communauté internationale est assez compliquée. L'Europe en particulier l'aide, mais la situation est très fragile et il faut rester attentif, et en particulier pour lutter contre la piraterie, à la fois aider à terre le pays à retrouver ses capacités de police, de justice, de surveillance maritime, et puis maintenir la pression à la mer pour éviter le succès des attaques de pirates. Alors, pour terminer, on va revenir sur l'épisode du Ponant. Je voudrais qu'on rende hommage au commandant Marchessault, puisque, me semble-t-il, je pense que vous allez le confirmer, voilà, son comportement a été exemplaire, hein, jusqu'à cacher les femmes de l'équipage. Elles ont dû ressortir, évidemment, mais son initiative était bonne. Enfin, toutes ses initiatives ont été bonnes. On va l'écouter raconter à son retour à Paris le déroulement et les conditions de la prise d'otage et du dénouement. Je suis de nature très calme, très posée, donc ça tombe bien parce que je me suis jamais énervé. Et quand les Somaliens pétaient des plombs, je leur laissais le temps de péter des plombs et j'essayais de rattraper l'affaire après. Voilà. J'ai découvert le fait qu'on pouvait, sans armes, imposer ou savoir se faire imposer vis-à-vis du preneur d'otage. Ça fait quand même partie des risques du métier, mais je pensais pas que ça allait réellement se passer. J'étais déjà passé, moi personnellement, 4 fois avec le Ponant par ici, sans problème majeur. Donc, on se méfiait, mais je me suis dit, bon, on passera, quoi, voilà. Racontez-nous comment vous avez informé vos 3 enfants. Je crois qu'ils ont été tenus un petit peu à l'écart. Tout à fait. Ma femme a su parfaitement gérer la communication. Elle a maintenu, enfin, les enfants à l'écart. Ils étaient au courant de rien du tout. Et samedi dernier, lorsque je les ai retrouvés à Paris, je leur ai demandé de me raconter l'histoire de Peter Pan. Et je leur ai dit que papa avait eu Captain Crochet, qui était venu attaquer le Ponant, et que papa était un peu Peter Pan. Voilà, donc c'est une interview du 26 avril 2008. Je ne sais pas quel âge avait Patrick Marchessault à cette époque-là. Il a une voix jeune, en tout cas. Vous le connaissez ? Oui, je le connais, mais j'ai navigué avec lui. Alors, je suis content que vous lui ayez rendu hommage, parce que c'est un homme tout à fait remarquable. Et je pense que, voilà, la France, notre pays, doit être fier de savoir faire des officiers de marine marchande de cette qualité. Bon, dites-moi, tout est bien qui finit bien dans cette histoire. Néanmoins, il y a eu quand même une polémique, notamment soulevée par le canard enchaîné, qui est là pour ça, à juste titre d'ailleurs, sur l'état de vétusté des matériels. Alors, c'est vrai que tout s'est bien passé, mais ça aurait pu bien se passer. Il y avait vraiment on a parlé des hélicoptères, enfin, voilà, un matériel vraiment vétus. C'est peut-être ce que voulait dire Hervé Morin, d'ailleurs. Voilà, alors, en plus, vous savez pas tout. Ah ben voilà, non, mais bien. C'est vrai que... Voilà. Oh là là, faut jamais dire vous savez pas tout, un journaliste, vous êtes obligé de le dire. Non, mais j'en ai raconté pas mal dans mon bouquin. Je dirais que, vous savez, c'est des opérations qui sont quand même très compliquées, qui mettent en œuvre des matériels sophistiqués. C'est un peu comme quand on met une belle table, parfois on casse un peu de vaisselle. Bon, ben là, on a cassé un peu de vaisselle, ça fait partie du jeu. C'est tellement compliqué que ça arrive et qu'il faut prendre ça avec sérénité. Simplement, il faut l'avoir prévu. Si vous voulez le moteur d'un avion prenne feu, ce qui s'est passé, effectivement, il faut avoir appris au pilote à continuer sa route sur un seul moteur et à aller se poser sur un terrain de déroutement qui a été prévu. Quand une embarcation se retourne, ce qui a été le cas, il faut que tout le monde ait un gilet de sauvetage et que le patron de l'embarcation sache quoi faire. C'est ce qui a été fait. Et le rôle des patrons qui préparent ces opérations, c'est de prévoir des solutions de secours quand il y a un problème. Si vous voulez, le rôle, c'est de prévoir l'improbable et de gérer l'incertitude. C'est ce qui s'est fait. On a cassé un peu de vaisselle, mais on a quand même bien mis la table. Bon, toute dernière chose, il reste juste 30 secondes. Les otages, qui étaient des membres d'équipage, on le rappelle, sont repartis en mer, tous. Ils n'ont pas abandonné leur métier. Qu'est-ce que vous savez d'eux ? Écoutez, je sais que certains sont repartis en mer. D'ailleurs, j'ai navigué avec plusieurs d'entre eux. Pour les autres, honnêtement, je ne sais pas. Très bien. En tout cas, moi, je vous remercie, amiral Laurent Merer, pour toutes ces précisions. Et je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre, donc intitulé « À l'assaut des pirates du Ponant », paru en 2012 aux éditions du Rocher. Merci. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la prise d'otage sur le Ponant, une émission que vous pouvez réécouter cette nuit à 1h, ou en podcast, alors là quand vous voulez, sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.